Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Owarni jatel laga na utu bani na daga warama tamudo bani. Bani filo siko narato karago tumu nyeru segu kabu tamu tamudo bani bani filo siko narato karago tumu nyeru segu kabu tamu tamudo bani bani filo siko narato karago tumu nyeru segu kabu tamu tamudo bani. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Owarni koen kotanunko. Tenenge. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi. Alahaji. Tenenge. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi alahaji. Tenenge. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi alahaji. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Owarni sinin kasunun turunkunu. Masoma. Majona, Mamari, Mabirelli, Mabirero, Majoye, Majoyeli, Majura, Maura, Makankuchi, Manafabire, Madagabire, Masoma, Majona, Mamari, Mabirelli, Mabirero, Majoye, Majoyeli, Majura, Maura, Makankuchi, Manafabire, Madagabire, Masoma, Majona, Mamari, Mabirelli, Mabirero, Majoye, Majoyeli, Majura, Maura, Makankuchi, Manafabire, Madagabire.